Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour à tous, bienvenue dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Et aujourd'hui, nous allons parler sport féminin et adolescence. C'est parti! Alors aujourd'hui, on reçoit Elsa. Bonjour. Bonjour Elsa. Et Julie, de la recette de Julie, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour Julie. La forme, les filles? Oui, oui, super. La forme. Alors aujourd'hui, on est là pour parler sport féminin et adolescence. Alors Julie, l'adolescence, c'est pas si loin que ça. Non, ça va, c'est pas si loin. C'est pas si loin, mais aujourd'hui, l'invité, c'est Elsa. C'est ça. Donc t'interviens quand tu veux, si ça te rappelle des souvenirs, bien évidemment, t'as le droit d'intervenir, y a pas de souci. Donc Elsa, t'es adolescente, donc t'as quel âge? Je vais bientôt avoir 15 ans. Bientôt 15 ans. Oui. Ah, on compte pas les demi, on compte plus les demi, c'est du 14-3-15. Oui. Voilà, d'accord. Donc tu fais du sport depuis combien de temps? Alors j'ai toujours fait un peu de sport. Hmm? Et là je suis sur de l'athlétisme depuis bientôt 7 ans. Depuis 7 ans. Donc, alors tu faisais des sports avant, tu faisais quel sport? Alors j'ai commencé par du baby gym quand j'avais 2 ans. Ensuite j'ai fait un peu de danse quand j'avais 3-4 ans. Hmm? Ensuite, entre 5 et 6 ans, j'ai fait un peu d'escalade et de gym. Et là, depuis 7 ans, je fais de l'athlétisme. D'accord. Et comment t'es venue à l'athlétisme? De la gym à l'athlétisme, ça te plaisait plus trop ou... J'aimais bien courir, j'ai toujours bien aimé courir. Ah oui, oui. Ah, c'est la course à pied. Oui. C'est principalement la course à pied. Exactement. Voilà, donc t'es dans quel club? Je suis à SMECA, au SMECA AEC. D'accord. Donc, tu fais du sport depuis 7 ans, on a dit. T'as commencé du coup à 2 ans, mais l'athlétisme, t'as commencé à 7 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, entre la poussine, alors non, c'était EA, c'était oui, école d'athlétisme, oui. Deuxième année d'école d'athlétisme, c'est donc alors je sais pas comment on les appelle, la deuxième année d'EA. La deuxième année d'EA, oui, mais les enfants, du coup, ils s'appellent, on sait pas. On sait pas. Bon, entre ta première année d'athlétisme, donc, et maintenant que t'es minime 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi, à part le maillot? La diversité, parce que maintenant, en EA, c'était plus... des petits jeux collectifs et tout ça. Mmh. Et maintenant, on est vraiment sur les vraies épreuves d'athlétisme. On nous fait découvrir un peu tout, c'est très varié. D'accord. Il y en a pour tous les goûts, je trouve. C'est... Ça, c'est, comment dire, professionnalisé, entre oui, guillemets. C'est ça. On est oui, passé oui. du jeu à vraiment les activités sportives. Oui, c'est ça. D'accord. Ça te plaît plus? Oui, j'aime beaucoup. Tu j'aime l'attendais beaucoup. Impatiemment, ce changement? Oui. Ou tu regrettes un petit peu l'époque où c'était les jeux? Ça me manque un peu, mais après, c'est totalement différent. Ouais. Ça te plaît quand même? Oui, oui, j'adore ça. Alors, donc pour amener le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, principalement, c'était parti. Enfin, moi, je suis partie d'une étude MGEN avec sport et adolescence. Et il y avait des stats, évidemment, vu que c'est une étude. Et la spécialiste des stats chez nous, c'est Lise. Donc, on va commencer par la Minute Lise. Défi sport sur Fadjet, c'est l'heure de la Minute Lise. Alors, on est toujours sur le format de la Minute Lise, mais sans Lise, comme depuis le début de cette année. Alors, le sport chez les hommes, un engagement massif, mais inégal. En France, la pratique sportive des enfants et des adolescents reste élevée, mais elle varie selon l'âge, le genre et le milieu social. Selon l'INJEP, en 2023, 82% des 13-14 ans pratiquent au moins une fois par semaine un sport hors cours de PS. Chez les 6-10 ans, ce taux atteint près de 90%, puis diminue à l'adolescence. Les garçons sont un peu plus actifs, 87%, que les filles, 78%. Les sports les plus populaires sont le football, la natation, la danse, le judo, l'athlétisme. Donc toi, t'es en oui. plein dedans. Les filles privilégient souvent la danse, la gymnastique, l'équitation, les garçons, les sports collectifs. Donc on sent qu'il y a déjà une petite différence. La pratique est surtout encadrée par des clubs ou l'école, avec un rôle clé des parents. 91% des adolescents font du sport régulièrement si leur père est sportif. On y reviendra. Malgré tout, des inégalités persistent, coûts matériels, manque d'offres locales, notamment dans les campagnes, ou transports limités freinent l'accès au sport, surtout pour les familles modestes ou dans les zones rurales. Les adolescentes décrochent plus facilement, la puberté et les changements physiques créent un point de rupture selon l'enquête MGEN publiée en 2026. Donc, 63%, selon cette étude, 63% des adolescents trouvent le sport moins agréable à cause des transformations corporelles. 55% déclarent que leurs règles freinent leur pratique, 53% jugent que l'encadrement sportif ne répond pas à leurs besoins. Également, le sport expose aussi à la pression sociale, 42% ont subi des moqueries, harcèlement ou sexisme, donc on parle toujours des adolescentes, 55% ne se sentent pas toujours en sécurité, 49% sont gênés par certaines tenues imposées, 61% se sentent jugés lorsqu'elles pratiquent. enfin, des freins structurels limitent l'accès. 33% n'ont pas accès au club féminin à proximité. 58% sont freinés par le coût des inscriptions, équipements ou déplacements. 57% trouvent leur emploi du temps scolaire trop chargé pour pratiquer régulièrement. Alors ça, c'était la Minute Lise. Et tout de suite, on va en parler. Fadjet, défi sport, l'analyse sans Lise. Donc merci Lise, on te remercie Lise pour toutes ces stats, hein, la reine des stats. Et dans l'éco-cité, on retrouve notamment les contraintes sociales, les stéréotypes du genre et encore la non-prise en compte des particularités du corps féminin dans un moment où la vie à son rapport est complexe. Alors c'est vrai que les garçons et les filles ne vivent pas la même adolescence, puisque je rappelle que l'adolescence, outre quelques sautes d'humeur, il y a sa maman qui est dans le studio. C'est aussi l'apparition des caractères sexuels secondaires, prise de masse musculaire pour les garçons, apparition des poils, menstruation, c'est-à-dire les règles pour les filles, et apparition de la poitrine et des hanches. Donc pour commencer, je vais te demander de plonger dans tes souvenirs d'enfance. Enfin, d'enfance. E.A. Poussin, plutôt, quand tu étais plus petite, que tu avais encore des jeux, que tu faisais pas encore des vraies activités sportives. Enfin, des vraies épreuves, voilà. Donc dans les petites catégories, c'est les filles qui ont l'avantage, souvent parce qu'elles sont plus grandes. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais poussine ? Oui, oui. Donc, il y avait quand même une différence entre la taille des garçons et des filles. Tout à fait. Donc poussin, je rappelle quand même pour les catégories d'âge. Donc poussin, ça correspond à la fin du primaire. Et à partir de Benjamin Minime, c'est l'entrée au collège. Oui. Donc chez les poussins, en règle générale, les filles sont plus grandes que les garçons. Tu te rappelles de cette période ? Oui. Donc toi, par exemple, tu étais un peu plus grande que certains garçons. Tu étais dans les bonnes, en course à pied notamment. Et tu battais certains garçons. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. Est-ce que tu t'en rendais compte déjà à l'époque ? Au niveau de la taille ? Alors, au niveau de la taille et au niveau des capacités physiques. Oui, oui, oui. Puis même, on était quand même beaucoup plus de filles. Oui. Je trouve. Et encore actuellement, il y a plus de filles qui font de l'athlétisme que de garçons, je trouve. Alors, selon les stats, c'est du 50-50. 50-50. Je sais pas, dans ton groupe, peut-être que. On a un tout petit peu plus de filles. Il y a filles, un peu plus de filles. Et petite, t'avais l'impression qu'il y avait plus de filles ? Oui, aussi. D'accord. Et c'était. Les filles, vous le saviez que vous étiez plus grands que les garçons ? À l'âge là, je pense qu'on n'en prenait pas spécialement conscience, mais à l'entrée Benjamin, oui, ça se voyait. D'accord. À partir de... Donc, Benjamin, c'est collège. Oui, c'est ça. Voilà. Et est-ce que ça comptait pour toi, en fait, de battre des garçons ou pas ? Ça me faisait plaisir, mais après... Ça te faisait un peu plaisir quand même. Donc, tu prenais en compte. Je me sentais un peu plus forte. D'accord. Ensuite, donc, Benjamin Minime, on a dit que ça correspond à l'entrée au collège. Et là, ça commence à s'inverser. Oui. C'est-à-dire que les filles grandissent moins vite et les garçons les rattrapent. Oui. Est-ce que tu te rappelles de cette période ? Oui, oui, oui. T'as un fait marquant, enfin, tu te rappelles d'un garçon qui t'a dépassé, enfin, ou tu te rappelais qu'il était plus petit, puis tout d'un coup, au bout de 2 mois de vacances, Milo. Quand t'as retrouvé... Oui, oui. Donc, il y a un copain à toi ? Oui, qui était plus petit que moi, que je battais avant, et qui maintenant fait 2 têtes de plus que moi, et qui me bat totalement. Et donc, 2 têtes, alors c'est pas venu d'un coup ? Non, c'est depuis... Tu t'en es rendu compte ? Oui, au fur et à mesure. Au fur et à mesure ? Oui. Et vous jouiez à vous tailler dans la cour, comme on dit là ? Non. Oui. Donc, d'autre part, à l'adolescence, on dit que les garçons prennent de la masse musculaire et voient leur performance augmenter. Est-ce que ça, tu t'en es rendu compte également ? Cette année, en minime ? Ou en général ? En règle générale. J'en ai plus pris conscience cette année. Sinon, avant, je faisais pas spécialement attention. Mais oui, cette année, oui, j'ai remarqué. Bah alors, pourquoi cette année ? Parce que je pense qu'on est dans un âge où ça se voit plus rapidement. La différence de performance ? Oui, oui, oui. C'est plus marqué, tu veux dire ? Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus marqué. Donc, tu l'as remarqué toute seule ou c'est à force d'entendre des adultes ? Les performances, c'est parce que c'était des camarades à toi qui faisaient les mêmes perfs et tu t'es rendu compte que tout d'un coup, ils te dépassaient ou... Ah oui, puis il y a les entraînements aussi qui jouent beaucoup sur... On s'entraîne pas tous à la même fréquence, donc je pense que ça joue. Chez les garçons, il y a une différence ? Ah non, par rapport à chacun. Ouais. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait remarquer que les garçons, du coup, avaient des performances plus grandes ? Vous comparez les performances ou pas ? Bah maintenant, plus trop, parce qu'il y a trop d'écart. Il y a trop d'écart. Et donc, il y avait un moment donné où tu comparais avec des copains garçons, quoi. Oui, oui. Ouais. Et puis, à un moment donné... Après, j'ai arrêté. T'as arrêté. Oui. Et vous compariez que entre vous, ou il y avait quand même... T'avais un ressenti au niveau des adultes qui prenaient en compte la performance fille ou garçon ? Ah non, ils n'ont jamais fait trop de différence, oui. Non. Et toi, tu l'as vécu comment de te faire dépasser ? Par des garçons ? Ouais. Bah, pas trop mal, ça m'a pas trop... Ça te dérange pas ? Non, ça me dérange pas plus que ça. Mais le côté, je suis contente de battre les garçons, oui, t'as ça... perdu ? Bah maintenant, oui, un peu. Maintenant, je suis plus compétitive entre les filles parce que c'est plus un niveau similaire. D'accord. Donc, t'as quand même... J'ai changé de... T'as changé quand t'es toujours compétitrice, mais... T'as fait ça avec les gens de mon niveau. Ouais, avec ton niveau. Alors, on va faire une petite pause musicale. C'est toi qui l'as choisi. C'est un titre de Sia, donc je te laisse la présenter. Alors, donc j'ai choisi le titre Greatest de Sia. C'est une chanson qui est motivante, je trouve. C'est motivant. Allez, c'est parti pour Sia. Retour dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Donc merci Elsa pour cette chanson, effectivement très entraînante et motivante. Donc on a vu dans la première partie que pour les garçons, l'adolescence c'est plutôt un avantage. Hein. Alors eux c'est tout bénef, ils grandissent, ils gagnent en musculature et en force. Donc clairement leurs performances vont augmenter. Alors nous, c'est pas exactement la même histoire. C'est-à-dire que nous, on va avoir du poids supplémentaire, mais il n'est pas réparti de la même façon. C'est-à-dire que ça a plutôt tendance à se localiser au niveau de la poitrine et du bassin. Et ça ne va pas forcément apporter la force supplémentaire, parce que c'est des tissus, alors pas forcément des tissus gras, mais les glandes mammaires, clairement, bon, au niveau force, ça apporte pas grand-chose. Hein. Dans l'étude MGN, on nous dit que 63% des adolescentes estiment que les changements physiques rendent le sport moins agréable. Est-ce que ça a été ton cas? Non. Pas du tout? Non, pas du tout. T'as pas ressenti... Alors, est-ce que tu penses que, par contre, 63% des adolescentes, donc ça fait plus d'une sur deux, est-ce que par rapport à tes copines, par contre, t'en as entendu parler? J'ai remarqué physiquement qu'il y en avait pas mal à qui ça avait changé, mais elles ne ressentent pas ça spécialement négatif. Pas en négatif? Non. Est-ce que tu as senti quand même un impact sur ta pratique sportive? Alors, pas forcément négatif, puisque tu me dis que non, mais est-ce que tu le sens que ça change? Je veux dire, avec la poitrine, il y a la poitrine et le bassin, le centre de gravité notamment se déplace. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé en tout cas. Non. Tu l'as bien appréhendé? Oui. Est-ce que tu as dû réapprendre certaines choses quand même, notamment avec le centre de gravité, tout ce qui est saut, les pieds d'appel, les choses comme ça? Non, pas réapprendre. Pas réapprendre. Non. Ça s'est fait, dans la douceur. Et alors, à chaque fois, je te demande ton avis à toi, mais est-ce que vous en parlez quand même entre copines de temps en temps? J'ai grandi, je vais plus loin, c'est mieux ou Oui, je l'entends quand même. C'est vrai que ça se voit quand j'ai des copines qui prennent 10 cm, c'est vrai que sur les perfs, ça... Ça se voit. Oui. Et par contre, donc, il y a des repères à reprendre, par exemple. Enfin, je pense aux 100 longueur, 100 oui, hauteur. Les marques, elles bougent très souvent. Les barres? Les marques. Oui. Donc ça, par contre, vous prenez en compte à chaque fois. Et alors, je ne sais pas comment vous travaillez au niveau... parce que toi, tu es multidisciplinaire, on va dire. Je fais un peu de tout. Tu fais un peu de tout, le couteau suisse. Du coup, vous travaillez par cycle. Est-ce que vous faites tout le temps, enfin, du saut en hauteur, par exemple, vous en faites toute l'année ou pas? Hauteur, non, on le fait plus en été. Ouais. Pendant la période hivernale, c'est surtout les séances de cross pour se préparer à tout ce qui est demi-fond, cross, etc. Ouais. Et la longueur, on en fait quand les compétitions en salle arrivent. Et quand les compétitions en été, on en fait régulièrement de la longueur. Donc, la hauteur, par exemple, si vous ne travaillez qu'une saison, ça veut dire que d'une saison sur l'autre, il faut refaire complètement les marques. Puis la hauteur, il n'y a pas beaucoup de gens dans notre groupe qui pratiquent. D'accord. C'est très divisé par rapport à la hauteur. Il doit y en avoir 2-3, pas plus. Et la longueur, si tu dis que c'est toute l'année, les marques d'une fois sur l'autre, tu te rends compte que ça change ou C'est en fait, on modifie. Il y a plein de choses qui changent. Il y a la course d'élan, donc il faut reprendre en compte les foulées du départ. Et ça modifie forcément la course, les marques. Et puis voilà. Et alors, c'est vous qui vous en rendez compte ou c'est l'entraîneur qui vous aide Nous aussi, parce qu'on sent qu'on pousse différemment au départ. Et l'entraîneur, il regarde par rapport à la marque et il voit qu'on a un pied de trop ou un pied de moins, par exemple. Et alors, d'une saison sur l'autre, par exemple, s'il a remarqué que tu as pris des centimètres, il va te le dire tout de suite. Pense qu'il va prendre en compte. Oui. Oui. C'est eux qui vous le disent de toute façon. Oui. D'accord. Alors, on a évoqué la prise de poids liée à l'adolescence, mais on peut quand même se faire plaisir d'un point de vue nourriture. Et pour ça, on va retrouver la spécialiste du sujet, Julie. Fadjet, défi sport, la recette sportive de Julie. Alors moi ce mois-ci, donc comme je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est nutrition, ce mois-ci je me suis lancée un défi. Je me suis lancée du mois sans sucre. En fait je voulais voir ce que l'arrêt du sucre rajouté raffiné faisait sur l'organisme au niveau de la récupération déjà musculaire parce que le sucre rajouté va entraîner de la rétention d'eau, etc. Voilà, ça m'intéressait vraiment de savoir quel impact en fait ça allait faire sur mon organisme l'arrêt du sucre raffiné. Du coup, je vous ai préparé une recette. J'ai dû un peu modifier mes recettes. Je vous ai préparé des Energy Balls, en fait, c'est des encas que vous pouvez prendre juste avant l'entraînement ou après, même pendant. Et là, du coup, il n'y a aucun sucre rajouté, aucun sucre raffiné. Donc, pour une douzaine, on va dire, d'Energy Balls, ça ressemble vraiment à des boules, en fait, qu'on peut mettre au frais, qu'on peut prendre à n'importe quel moment de la journée. Il vous faudra une dizaine de dattes qu'il faudra mixer ou de la pâte de dattes, c'est pareil. 50 grammes de flocons d'avoine, une poignée d'amandes et de noix, une cuillère à soupe de beurre d'oléagineux que vous voulez. Vous pouvez prendre cacahuètes, amandes, peu importe, et une pincée de sel. C'est tout simple, le but c'est de mixer tout ensemble, vous avez une pâte, il faut les rouler en fait ensemble pour faire des petites boules et vous pouvez après les rouler dans la poudre d'amande, la poudre de noix de coco. Si vous n'êtes pas dans le mois sans sucre, allez, vous pouvez la rouler dans le chocolat fondu, mais doucement. 15 minutes au frais et après donc vous avez en fait vos encas protéinés et sains, pleins de fibres, tout ce qu'il faut en fait pour vous procurer une énergie saine, rapide, ainsi que avec des bons lipides vu qu'on mélange plein d'oléagineux ensemble. Et pour ceux qui veulent un peu plus de protéines, on peut également rajouter de la protéine en poudre végétale bien sûr. Eh bien merci Julie pour cette recette. Comme ça, même si on a moins de muscles que les garçons, au moins on va pouvoir avoir autant d'énergie avec la recette. Ça te, met en appétit ? Oui, ça me donne faim. Ouais. Tu pourrais essayer ? Oui. Tu cuisines de temps en temps ? Pas trop. Tu fais attention à ce que tu manges ou pas ? Oui. Par rapport au sport ou en règle générale ? Régulièrement. Ouais. Oui. Tu essayes de manger équilibré ? Oui. Est-ce que c'est par rapport au sport ou c'est parce que... Non, c'est juste en général, je fais attention. Tu fais attention à ce que tu manges. Alors, on poursuit sur notre sujet du jour, le sport féminin et l'adolescence. Et qui dit féminin dit un sujet qu'on ne peut pas éviter, les règles. Donc, dans cette étude, on voit que plus d'une jeune fille sur deux déclare que leurs règles constituent un frein à la pratique, mais aussi que plus d'une jeune fille sur deux estime que l'encadrement sportif ne répond pas à leurs besoins spécifiques. Selon l'étude MGEN, on apprend que les jeunes filles ressentent une inadéquation entre les pratiques sportives conçues pour un corps constant et des performances continues, et les différentes phases de leur cycle menstruel. Elles évoquent la fatigue, les douleurs ou l'inconfort lié aux fluctuations hormonales et expriment le besoin d'un encadrement Elles évoquent la fatigue, les douleurs ou l'inconfort lié aux fluctuations hormonales et expriment le besoin d'un encadrement plus bienveillant. Alors visiblement, l'esprit s'exprime sur le sujet pour l'étude, mais est-ce que entre vous, vous en parlez avec des copines de ton âge de temps en temps ? Ah oui, c'est pas du tout un sujet tabou. L'apparition des premières règles, c'était... Alors moi, c'était en septembre 2024, donc à ma rentrée quatrième. Et c'est surtout, est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce que tu l'as dit aux copines ? Oui, de toute façon, vous arrivez tout en même temps, quoi. C'est ça. Est-ce que dans les vestiaires, est-ce que vous en parlez avec des plus grandes ? Des conseils ? Non, pas plus que ça, parce qu'on est plus entre nous, à part en spécialité, mais sinon on est... Ouais, vous ne vraiment... mélangez pas avec les plus grandes ? Oui. Même pendant les vestiaires ? Bah, de toute façon, là, à notre âge, les plus grandes, c'est nous, en minime 2. Oui, alors quand je parle des plus grandes, c'est vraiment les plus grandes, les adultes ? Ah oui, alors non, on n'en parle pas trop. Ouais, c'est... on ne se mélange pas quand même. Faut pas exagérer. donc toi, si je ne me trompe pas, c'est un entraîneur que tu as ? Oui, deux, François et... Alors oui, oui. Deux entraîneurs, mais des entraîneurs masculins. Il n'y a pas d'entraîneur féminin dans ton club. Est-ce que tu te sens gênée sur le sujet par rapport aux entraîneurs ? Non, pas Toi, du vous tout. Vous êtes déjà arrivé d'en parler ? Enfin, de dire je suis fatiguée aujourd'hui parce que c'est... Alors moi, pas spécialement, mais j'ai déjà dû l'entendre, oui, je crois. Ouais, les filles ne se sentent pas gênées ? Non. Est-ce que les entraîneurs, ils reviennent vers vous sur le sujet ? Enfin, ou ils vous expliquent au moins que c'est normal ou ils prennent en compte le sujet ? Oui, c'est quelque chose auquel ils font vraiment attention. Ouais. Ils sont vraiment à l'écoute par rapport à ça, puis ils n'hésitent pas à en parler avec nous s'il y a besoin. Puis si jamais après, on parle avec les parents, si ça pose plus de soucis, mais c'est quelque chose qui n'est pas tabou du tout. D'accord. Donc toi par rapport à l'étude MGN, par exemple, tu ne t'y retrouves pas Non, pas trop. Oui. De tes camarades de classe, hein, par contre, qui font d'autres disciplines, tu as déjà entendu un problème ? Enfin, je ne sais pas si tu as des copines qui font de la natation, par exemple ? Pas dans ma classe. Non ? Non. Ou des copines en général ? T'as jamais trop entendu parler ? Bah, je pense savoir que ça doit pas être facile durant les périodes de règles, ouais. Mais non, on n'en parle pas non, trop. T'as pas... Non, on n'en parle pas trop. Il y a également 49% qui se disent mal à l'aise avec certaines tenues sportives imposées, jugées inconfortables ou sexualisées. Alors, dans l'athlétisme, à ton âge, entre guillemets, vous avez le choix, ils vous laissent le choix, oui. Short, caleçon long, leggings, oui. c'est vous qui choisissez, oui. Ça, il n'y a pas de souci. Quand ils sont plus âgés, par exemple, il y a les courses de 400, traditionnellement, sont quand même avec des mini-shorts, des culottes, des bloomers. Mm. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, moi, je pense que ça... Tu penses que si tu montes sur cette discipline, tu te plieras à la règle ? Enfin, ça te posera oui, pas de problème ? Moi, ça me dérange pas, mais je pense qu'ils devraient laisser le choix aux femmes qui ne veulent pas spécialement en mettre. Alors, on en voit de plus en plus hein, maintenant, des mini-shorts. Oui, quoi, oui, sur les coureuses de sprint, finalement, descendre le short en bas des cuisses. Toi, personnellement, t'as pas d'appréhension par rapport à ça ? Non, moi, ça me dérangerait pas. T'en as jamais eu ? Non. Et donc, pareil, dans ton groupe, vu que toi, ça se passe bien l'adolescence, en fait. Merci, de tes copines, t'en connais qui... qui pourraient être gênées, oui. Ouais, qui veulent pas, par exemple, se mettre en short ou... Alors, en short, encore, ça va. Ouais. Mais en culotte, je pense que ça en dérangerait quelques-unes. Mmh. Oui. Et des shorts, il y en a personne qui met vraiment le truc jusqu'au genou ? Des cyclistes, si, il y en a encore quelques-unes qui mettent des longs shorts. Et alors, par rapport à ta pratique sportive, donc du coup, toi, t'as l'habitude de porter des shorts. Oui. Quand t'es à l'école, alors me dis pas, j'en connais pas, parce que là, j'en connais plein, des copines au collège qui mettent les shorts ou les jupes. Oui, même moi. Bah, à toi aussi ? Les shorts ou les jupes, oui. D'accord. Mmh. Ou dans le sport scolaire, c'est-à-dire à l'EPS, est-ce que t'en as qui sont systématiquement en survêtement, qui refusent le short ou... Oui, il y en a qui sont pas à l'aise vis-à-vis de leurs cuisses ou de leurs jambes, donc elles préfèrent mettre des choses qui couvrent toutes les jambes. D'accord. Et c'est vous en avez déjà parlé ou, bah, ou pas c'est trop. Des complexes qui les gênent un peu, donc j'évite le sujet si je vois que ça les met mal à l'aise. Ouais, mais toi t'as pas dit que, enfin, ça te, tu milites pas sur le fait que, ben, une tenue de sport, c'est fait pour être à l'aise. Si. Ouais. Oui, je suis d'accord. Et vous en avez jamais évoqué le sujet avec tes copines à lui dire, mais tu t'en fiches en fait, c'est pour faire du sport, c'est pour faire du short. Oui. Mais la réponse. Mais après. Après, c'est leur choix. Hein. Oui, non, voilà, mais, c'est oui. Ça. Ouais, ouais. Oui. Du coup, je rentre pas trop dans le sujet quand je vois que ça les gêne. D'accord. Au niveau vêtements, donc toi, t'es à l'aise, je pense, dans ta pratique sportive scolaire. Est-ce que le fait de faire du sport à l'extérieur t'a aidé à accepter ton corps? Oui. Tu penses? Oui, ouais. Oui, totalement. Beaucoup? Oui. Par rapport à d'autres copines qui faisaient pas de sport, enfin, si t'as d'autres les copines que tu évoques, par exemple, qui n'acceptent pas de se mettre en short, etc. Elles ont une pratique sportive à côté? Non, elles font pas trop de sport à côté. Ouais, ça se ressent. Oui. Julie, ça te rappelle ton adolescence, toi? Ouais, ça me rappelle beaucoup. Mais moi, j'étais dans le côté des copines qui faisaient pas de sport à l'adolescence. D'accord. Donc moi, j'avais la masse grasse qui arrivait bien au niveau du bassin et de la poitrine. Donc forcément, puis à cet âge-là, c'est vraiment le regard des autres, en fait, il devient hyper important. Et là, vraiment, on commence à se dire, les autres nous regardent et on n'est pas comme les autres, etc. On va avoir plus des formes, on attire plus l'œil, donc on va tout cacher, en fait. Donc forcément, on va mettre des leggings, les shorts en dessous des jupes, etc. Mais ça encore, c'est... Même moi, à 25 ans, je le fais toujours, en vrai. Donc, mais ouais, je comprends, en fait, ce fait de... Enfin, vraiment, on se dit, tout le monde va nous regarder, etc. Puis c'est vraiment le moment où le corps, il change, donc ça attire plus l'œil, etc. Et on a un peu envie de se cacher, alors qu'en fait, c'est tout à fait normal, hein, ça arrive à tout le monde. On n'aura pas tous le même corps, il y en a qui seront fins, beaucoup plus costauds, etc. Mais à cette période-là, c'est vraiment là où en fait, tu choisis ta tenue en fonction de ce que tu as envie de renvoyer. Clairement. Alors Elsa, donc toi, tu n'avais pas de problème. Julie, elle dit qu'elle avait l'impression qu'on l'a regardée et qu'on l'a jugée. Honnêtement, vous jugez, toi, t'as cette impression ou pas? Du jugement vis-à-vis des autres? Ouais. Oui, oui, il y en a beaucoup qui sont vraiment dans le jugement. Ah, donc c'est pas juste l'impression, en fait? Non, oui. Ça, tu le sais? Ça te fait quoi, en fait? Toi, t'as pas de complexe vis-à-vis de ça, mais si t'entends, par exemple, des filles qui jugent, justement, une autre... Ça me met mal à l'aise. Ouais, oui. Et t'es jamais intervenue? Si, je viens de défendre, si. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à juger, au final. On est tous comme on est, et on peut... Enfin... Et alors, c'est parce que c'est... tu penses que c'est de votre âge? Enfin, le jugement, c'est par rapport... C'est pour se positionner, c'est... Je pense que c'est une comparaison. On fait que de se comparer toute la journée, à ce qu'on voit. Donc là, par exemple, en athlétisme, on va se comparer aux athlètes de haut niveau qui sont très athlétiques, très fins, etc. Donc forcément, on veut en fait refléter cette case-là. Donc dès qu'on est un peu plus différent, forcément, on a toujours peur du regard des autres et d'être jugé, etc. Et tu penses qu'il y a un jugement des garçons, de la part des garçons aussi ou pas? De moins en moins en grandissant, je trouve. Oui? Oui. Dans la pratique sportive, dans le club par exemple, est-ce que tu sens un regard? Ah non, pas du tout. Pas du tout dans le club. S'il y a des jugements, c'est plutôt au niveau scolaire, entre des gens Oui, peut-être plus dans la classe ou autre, mais pas du tout à l'athlétisme. Non. Vraiment, en tout cas, je le ressens pas. T'as pas ressenti? Donc c'est plutôt une bonne chose en fait. Oui, oui, oui. Alors, donc, quel message tu aimerais faire passer aux filles qui vont rentrer dans l'adolescence? Bon, par exemple, tu retournes à la Elsa Poussine qui faisait son sport. Bon, visiblement, ça s'est bien passé, donc tu peux t'appliquer les conseils. Mais si tu vois une petite... les plus jeunes, en fait, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour que ça se passe bien? De continuer de faire ce qu'elles aiment et de ne pas écouter les critiques et les jugements. Et de vraiment faire du sport pour se faire plaisir et se faire du bien. Et donc, alors là, maintenant, je vais te demander de te projeter dans le futur. C'est-à-dire que tu vas sortir de l'adolescence. À l'âge adulte, tu te vois comment maintenant? À l'âge adulte. Ouais. Tu t'es pas encore projetée? Je me vois toujours faire du sport parce que ça me fait vraiment du bien mentalement et physiquement. Ça me permet vraiment de décompresser, de faire une pause. Du coup, là, avec le boulot plus tard et puis là, avec les cours, ça me fait vraiment du bien. Donc, quand tu te projettes, tu te vois dans une pratique sportive, quoi qu'il arrive. Oui, faire du sport, oui. Et toujours dans ton sport, tu penses? Je sais pas du tout, mais je pense qu'il y aura encore la course à pied, oui. Ouais. Ce sera au hors stade. Hein? Ce sera au hors stade. En passant par les Jeux Olympiques d'abord. Je te remercie Elsa pour pour ton témoignage sincère et je te souhaite une bonne continuation dans ta pratique sportive. Merci beaucoup.